dans une famille très pauvre de paysans qu'il y a 700 ans naquit la pauvre enfant. C'est dans une famille très pauvre de paysans qu'il y a 700 ans naquit la pauvre enfant. Sa mère en dit l'amant, la mettant au monde. Son père la traita d'une façon immonde. Sa mère en dit l'amant, la mettant au monde. Son père la traita d'une façon immonde. Elle viola dans un coin quand elle n'eut que 10 ans. Elle mit bas honteuse un monstre répugnant. Elle viola dans un coin quand elle n'eut que 10 ans. Elle mit bas honteuse un monstre répugnant. Il avait quatre bras, une senteur bestiale, à la place du nez, les parties génitales. Il avait quatre bras, une senteur bestiale, à la place du nez, les parties génitales. Tous les gens du village la crainte ensorcelée, chacun sur son passage se sauvait apeuré. Tous les gens du village la crainte ensorcelée, chacun sur son passage se sauvait apeuré. Son père ayant omis de payer au seigneur, le nier lui étendu, fruit de son dur labeur. Son père ayant omis de payer au seigneur, le nier lui étendu, fruit de son dur labeur. Matin au château, le cerf fut emmené par le courroux du prince, les mains furent coupées. Matin au château, le cerf fut emmené par le courroux du prince, les mains furent coupées. Privé de son travail, le labour de la terre, sa pauvre enfant si jeune fut contrainte de le faire. Privé de son travail, le labour de la terre, sa pauvre enfant si jeune fut contrainte de le faire. Le labour fut très rude, la récolte frugale, la misère en tira et l'hiver fut glacial. Le labour fut très rude, la récolte frugale, la misère en tira et l'hiver fut glacial. Pouvant plus payer le denier au seigneur, le père fut pendu et la fille exilée. Pouvant plus payer le denier au seigneur, le père fut pendu et la fille exilée. Avec son enfant monstre comblé de désespoir, elle trouva refuge sur un autre terroir. Avec son enfant monstre comblé de désespoir, elle trouva refuge sur un autre terroir. Année, par sa propre charrue, elle périt écrasée. Les un jour de tempête dans sa troisième année, par sa propre charrue,